je vois tout, les toits de Rome. Je pense à nous deux, à Paris. Tu es seul, et je pense à la France. Cheveux sur les miens.